directement de nos studios à Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la 7e semaine. Est-ce que ça tient? C'était la 8e semaine de présence pour eux. On va voir d'ici la fin de l'émission. Mais on commence tout de suite, voici la 15e position francophone. C'est Jacques Mort et Feu Follet au Palmarès, c'est fou, 89.fm. Yeah. les 15e positions des palmarès C'est fou cette semaine. Et nos seules et uniques nouvelles entrées, on vient d'entendre Fred Tiger avec Let Him Go de l'album The Key Ones en 15e anglophone. Juste avant, c'était Jacques Mort avec Ma Pièce de mon groupe que j'aime le plus en ce moment. Merci de parler de moi. Jacques Mort, Feu Follet, nouvelle entrée en position francophone. Leur album est aussi Jacques Mort, c'est un maxi, un hippie. On laisse avoir quelque chose de plus long et tôt. Hein? On est rendu à nos 14e émission. Avant, on parle un petit peu de ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Autour des autres palmarès, parce que bon, on n'a pas juste des palmarès francophones et anglophones, on s'y apparaît Loud, apparaît Selecnik, un top 3 des 10 canadiens et un top des albums plus tard. On va aussi regarder les 10 les plus vendus au Canada et partout le monde. On va écouter notre coureur de la semaine, président de la chance, Arc, cette semaine, et Matt Fuzz et son Game Boy. Faut vraiment rester là pour ça parce que c'est plutôt bon, j'ose dire. Mais tout de suite, voici 14e position, un francophone, c'est Christ et la victoire en chantant. Montée de masse au palmarès 89.1 FM. Et partout la famine a ce goût de colère. D'Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes répondent à l'appel des résistants d'Espagne. Venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne que l'armée a trahi. Allez, allez, la vie en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends pas au loin le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous, la vie en chantant. Et le reste du monde, le dos nous a tourné. Allez frères d'armes, combattons sans drapeau, devenus clandestins, rêve nos idéaux. Allez Macbeth, si la nuit est tombée sur une Europe chancelante, l'Espagne a croulé. Il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant. Dans le goût des larmes, dans le goût du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à temps, elle est à nous, la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant. Il y a des larmes, il y a le bout du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à maintenant, elle est à nous, la victoire en chantant. Hey, j'étais là, j'étais sur Internet, je naviguais, puis là, je me rends comme par hasard sur www.unechance.com, puis là, je me suis dit, waouh, mais il y a toutes les informations qu'on pourrait vouloir avoir sur les palmarès, c'est fou. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais y retourner. Faites donc pareil, pendant qu'on écoute My Moon, My Man de Feist, je crois. Je me donne un 6. Take it easy on me, just so I, just so I, please. Take it slow, take it easy on me, just so I, just so I, please. sweeping is the dirtiest clean. No, my care, my coat, leave on no. There's nowhere to go, there's nowhere to go. Take it slow, take it easy on me. It's just a lot, just a lot on me, please. Take it slow, take it easy on me. It's just a lot, just a lot on me, please. Position numéro 14. Ben, c'est fou cette semaine. Je vous laissais savourer le petit moment de nature. Je sais que vous n'êtes pas de gens très nature comme je vous connais. T'sais. On vient d'entendre la position numéro 14 anglophone, Faze avec My Moon, My Man, qui descend de 10 pour le numéro 4 la semaine dernière. L'album s'appelle The Reminder. Juste avant, c'était Corrigan Fest avec La Victoire en chantant qui remonte d'une place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Maintenant, on est au numéro 13. C'est-à-dire qu'on commence par Olinéa. Voici tout de suite, à l'instant, L'Âme de fond au Palmarès C'est fou. Au 89.1 FM, Radio Camp de Trois-Rivières. Thank you. The Buffalo Dam, Three Easy Pieces, c'est le numéro 13 anglophone des palmarès de C'est Fou. C'est remonté d'une place juste avant du côté francophone. Aussi une remontée d'une place au linéaire qui est l'âme de leur album L'Ordre des Choses. On est rendu à nos 12e position sur ça. Toujours et à chaque semaine, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que pour les non-initiés, les palmarès C'est Fou, c'est plus qu'un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et un top 30 des albums. Dans cette partie, nous allons examiner le top 10 électronique. Voici quelques nouvelles entrées. En 6e position, Chris Zippel avec Genuine Horizon. En 4e position, oui, c'est Fabric 35 de la compilation compilée par Ewan Pearson. En fait, c'est artiste varié compilé par Artists Compiled by Ewan Pearson. En 3e position, nouvelle pour The Suiting avec Ultra Shiver. En 2e position, remontée d'une place pour Dylan Later After. Et en 1ère position, c'est très stable pour Ab Ovo avec 3e semaine de présence dans le top. Côté du top 10 Loud, 10e position, nouvelle entrée pour Alfred avec Metal God Essentials Volume 1. En 9e, c'est une nouvelle entrée pour The Truckers avec Get Rick or Drive Trying. Get Rick or Drive Trying. Ensuite, le top 3, descente de 2 places pour l'ancien numéro 1, Cephalic Cage avec Xenosapien ou même Carnage. 2e position, remontée d'une place pour King Diamond avec Give Me Your Soul, Please. Et en 1ère position, remontée de 3 places pour Phoenix avec Paradise Lost. Plus tard, on examinera le top 3 des disques et le top 30 des hommes pendant qu'on tourne à notre palmarès, format tout fait standard. On était rendu à nos positions numéro 12, c'est-à-dire du côté anglophone, Shit Disco avec le Kung Fu. Mais tout de suite, voici Camionnette et jouer dans les airs au palmarès fou au 89.1 FM. Let's Au retour, on écoute Shit Disco et on vous donne un vinyle de Shit Disco au palmarès. C'est fou, restez là. Suivant, qu'est-ce qu'il te faut cette présence en enfer? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute, j'étais à la barrique, puis là, j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur au ciel ici. Tu pas paradis en enfer? La barrique, 4170 Boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Hey man, c'est bien cool ça! Ouais, mais hein, j'ai pogné ça à Puce Rock au centre-ville. Oh ouais, malade! Hey, check ça, je me suis fait percer ici. Mais en plus, j'ai eu ma pine gratos avec le perçage. Hey, tu peux être plus sûr qu'on me voit là! La Puce Rock, 1509 Centre-ville, Trois-Rivières. Depuis le début des temps, le diable en personne s'empare des ondes de ces fous. Tous les mardis soirs, avait nous offrir les pires atrocités. Ainsi, dès 1h, Satan accompagne le docteur Pendragon pour 2 heures de réanimation. Puis à compter de 23h, Lucifer perd complètement le contrôle en compagnie des mains de l'enfer. Les mardis, dès 21h, les ténèbres s'abattent sur ces fous. Tout de suite, voici la position 12 anglophone, Shit Disco et Anno Kung Fu. Et restez là, on vous donne des vinyles de Shit Disco. Rhino Kung Fu de Shit Disco, la 12e position anglophone. C'est tellement bon, on remet en place. Et parlant de bon, hein, Shit Disco, l'album qui s'appelle Kingdom of Fear, j'ai entre mes petites mains deux vinyles. Vous savez que je suis peut-être pas un gars qui connaît très, très fort les vinyles et les termes à utiliser là-dedans, mais comme j'ai deux albums, okay, un plus petit. D'accord. Avec du côté A, Reactor Party, et du côté B, Aino Kung Fu, avec un autocollant disco. Ça vient de Fierce Panda Canada. Et puis le gros vinyle ici, un X nombre de tours. Du côté A, j'ai Reactor Party Bolsheviks. Et du côté B, des Reactor Party Luke Smith MPC Mix et Aino Kung Fu James Ford Edit. Des pièces qui ont l'air absolument fascinantes, des pièces remixées de ce disco, donc ça doit être très très bon, même que j'ai vraiment envie de les garder pour moi, mais comme je les ai et que c'est pas à moi, ben je vais vous les donner. Hein. Et évidemment, les concours ne s'adressent aux auditeurs du vendredi soir, ceux qui nous écoutent en direct, il est présentement 17h36, le vendredi soir, quelle date exactement, le 13, c'est vrai, j'avais oublié vendredi 13 juillet. Donc voilà, le numéro de téléphone c'est le 819-376-5183. Le 819-376-5183. Aussitôt que j'aurai terminé de parler, je vais attendre vos appels et je vais vous demander une question, tiens, parce que j'aime ça. Le nom de Shit Disco. Et je vous demande une aventure merdique que vous avez eue, peut-être cette semaine, dans le passé. Faites ça rapide, c'est pas obligé d'être très très intéressant non plus. Peut-être que je prendrai des notes puis je le dirai. Donc, j'ai deux vinyles de Shit Disco à vous donner dans quelques instants. Tout de suite, on s'en va entendre une pièce de Polype que j'adore. Voici tout de suite Super Humain, notre prochaine position dans les palmarès. C'est fou et je rappelle le numéro de téléphone pour les vinyles Disco. C'est le 819-376-5183. Avec le numéro 11, francophone super humain. Ensuite, voici Ford Peer et Employed au Paris C'est Fou au 89.1 FM. We'll be right back. Come employ. Come employ. The short thing is the short body of the Buddha. The long thing is the long body of the Buddha. I don't think that anybody can make a case that I haven't been patient, real patient. Maybe more than should have been, but I believe in a pecking order, and I believe in seniority, and I believe that I'm on other things that perhaps elude those friends of mine that I no longer have any time to see. I understand that a lot of them are seeing shrinks. I think it's hilarious because all I see is growth. The rich getting richer, the poor getting poorer. I'm more myself than ever, and I know. The middle class is really low, and there you learn to be in between. I've been going on 5 hours sleep. Don't mind me, I know what I mean. But I'll get time off for time I've served. Pierre avec Employed, le numéro 11 anglophone remonté d'une place, quatrième. Comme vous le voyez, ça monte d'une position par semaine. Je crois que la pièce est vraiment chanceuse, qu'il n'y ait pas tant de nouveautés du côté anglophone. Donc, elle garde sa place et remonte tranquillement. J'ai des doutes par rapport à cette pièce-là de Ford Pierre. Mais bon, l'album s'appelle quand même Organ Farming. Juste avant, c'était Paul Epp avec Super Humain, septième semaine de présence, deux positions de 20. Oh! C'est parent en l'air. On est rendu à l'opposition numéro 10, mais avant, deuxième partie de notre bloc ailleurs dans les palmarès, parce que, une fois, pour ceux qui sont pas au courant, les palmarès, c'est fou, c'est plus qu'un top 15 francophone et un top 15 anglais aussi, dans la deuxième partie, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Du côté canadien, en troisième position, c'est stable en troisième, Ford Pier avec Organ Farming, on vient d'étendre. En deuxième, on va les entendre plus tard, Lil Jabs de Two Irish Traffic, une nouvelle entrée. Et en première position, c'est stable, eux aussi, on va les entendre, c'est Metric avec Grow Up and Blow. Du côté du top 30 des albums, quelques nouvelles entrées. Aucune nouvelle. J'ai parlé trop vite. Troisième position, Maximo Park avec Our Earthly Pleasure qui descend de deux places. C'était donc le numéro 1 la semaine dernière, huitième semaine de lance. En deuxième place pour Metric avec Grow Up and Blow Away. Et en première position, c'est Los Campesinos avec Sticking Fingers into Socket. C'était le numéro 2 la semaine dernière, sixième semaine de présence. Je disais qu'on était rendu à nos numéros 10. Pourquoi? Ben, parce que c'est vrai, c'est vrai. Du côté anglophone, on s'en va entendre The Bravery avec Every Word is a Knife in My Ear. Mais tout de suite, Zubrick! Avec toi. ben avec toi. Avec toi. Au palmarès, c'est fou, jusqu'à... Avec le sur la lune, on va toucher au sol. À Chamonix dans les dunes, en plein pays des merveilles. Avec les fiers, sans penser à demain. Pour ensuite faire l'amour, juste au bout de satin. Avec toi tout contre moi. Suffit d'en penser, même endormi, je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tout le monde arrête, je continue avec toi. Avec toi dans ce monde, j'ai les deux ans, je me sens capable de le grandir, d'y faire face pour un instant. Avec toi, on va parcourir la terre, puis faire chanter ses louanges, puis faire vomir. Avec toi, tu contre moi, tu vis dans mes pensées, même si je te vois. Avec toi, tu contre moi, là tu m'arrêtes, je continue avec toi. Rick, Every Word is a Knife in My Ear, 10e position anglophone, descend 4 places. Que ça fait d'autre d'entendre de la bonne musique de même? Hein? Non? OK. Donc, Palmarès, c'est fou. 89 FM, la meilleure musique de demain, aujourd'hui. Juste avant, c'était The Break avec Avec Toi, en 10e position francophone, 4e semaine de présence. Leur album s'appelle Visage. Maintenant, déjà la fin de la première heure, ou presque, et on est très, très à l'avance. On se permet un petit bloc en haute définition. Le bloc en haute définition pour les non-initiés encore, ben, c'est de la musique qui fait partie des palmarès il y a de ça un moment. Hein, précis. Aujourd'hui, on écoute les lettres R et S. On commence par Run with the Kittens. Voici Live Forever au Palmarès C'est Fou 89 FM. Les palmarès, c'est fou! Oh yeah! Run with the Kittens avec Live Forever. C'était le numéro 1 anglophone de la semaine du 9 au 15 mars 2007. On enchaîne avec la lève. Voici The Saint Twins. Une pièce qui se nomme Ring of Fire equals 4 points. Yeah! titre Saint Catherine's et Ring of Fire equals 4 points dans le bloc en haute définition des palmarès. C'est fou et je regardais des recherches rapides, pas certain de ce que je dis, mais je crois que la position maximale que ça a atteint, c'est la numéro 5 anglophone et c'était la semaine du 28 avril 2006. Là, je fais le tour pour notre bloc en haute définition. Les grands succès de C'est fou ramenés comme ça, ramenés pour votre plaisir comme ça, l'été, là c'est le fun. Maintenant, on retourne à notre palmarès format tout à fait standard. On est rendu à nos positions numéro 9, mais avant, oh, j'oubliais. C'est déjà la fin de la première heure. Donc, faisons un petit résumé rapide des positions qu'on a entendues depuis le début. Du côté anglophone, en 15e position, c'est Pride Tiger avec la nouvelle entrée Let Him Go. En 14e, descente de 10 pour My Moon, My Man de Feist. En 13e, remontée d'une place pour Three Pieces de Buffalo Tom. En 12e, remontée de 3 pour Chez Disco avec I Know Kung Fu. En 11e, c'est Employed de Fort Pier. En 10e, descente de 4 places pour Everyone Is a Knife in My Ear de la formation The Bravery. Du côté francophone, 15e position à l'entrée pour Jacques Mort avec Feu Follet. 14e, remontée d'une pour Corrigan Fest et La Victoire en chantant. 13e, remontée d'une pour Olinéa, L'âme de fond. En 12e, c'est Camionnette avec Jouer dans les airs. 11e, c'est Polype avec Super Humain. Et en 10e, c'est The Brick avec quoi? Dans la deuxième heure des palmarès, restez là, les amis au Pakistan, les prostituées disco ensemble, Sins, Megadeth, Tiger Army, un paquet d'autres au palmarès et fou. 29.1 FM. Festival Eclipse 2007. 4 jours de festivités en plein air du 27 au 30 juillet. Présenté par Tech Safari et Sunbeats à l'éco-village du Morat. Deux scènes extérieures. Prestations en direct d'artistes internationaux tels Cockbox, Pixel, Protoculture, James Monroe, Tecma. Plus de 50 DJ, performances de cirque, expositions et installations spectaculaires. Baignade et camping. Du 27 au 30 juillet, participez à un des plus importants rassemblements de musique électronique en Amérique du Nord. Visitez eclipsefestival.com. Hey man, c'est bien cool ça! Ouais, mais hein, j'ai pogné ça à Puce Rock, la ville. Oh ouais, malade! Check ça, je me suis fait percer ici. Mais en plus, j'ai eu ma pin gratos avec le perçage. Hey, tu peux être plus que sûr que tu vas voir là! La Puce Rock, 1500 Notre-Dame, centre Trois-Rivières. Suivant. Qu'est-ce qu'il te faut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je sais que ça finira mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à Barrick, pis là j'étais vraiment de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La Barrick, ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La Barrick, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. C'est fou, avant tout le monde. 89 FM, FM. Bonjour et bienvenue dans la deuxième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 19 juillet 2007. Mon nom est Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va parler de bonnes choses, dont des prostituées, dont des amis au Pakistan, dont d'une loi des cactus, quelque chose du genre. Et du côté anglophone, Tiger Army, Disco Ensemble, Klaxons, tout ça plus tard. Mais tout de suite, voici le numéro francophone, Map et Take the Money and Run au palmarès C'est fou, 9.1 FM. La chanson du sale aveu spéculatif et clair. Mais si t'en écoute, personne n'y échappe. Mais si t'en écoute, personne n'y échappe. Take the money and run. faut que ce plancher tu m'installes. Et si ça n'écoule, personne n'y échappe. Le signal écoule, personne n'y échappe. Traffic avec Nighthawks, la 9e position anglophone des palmarès de C'est fou. C'est une grosse remontée. Et fantastique de 4, c'était la 13e position la semaine dernière. Juste là, c'était Map avec Take the Money and Run. 9e position, donc descendre d'une place de la 8e et 8e semaine de présence. Leur album s'appelle Repose en... On est déjà rendu à nos 8e position. Ça va être les prostituées et Tiger Army. Plus tard, dans la prochaine intervention, tiens, c'est tout bien, je vais vous parler des disques les plus vendus au Canada. Et ailleurs, à d'autres endroits, par exemple sur Internet, toujours une très belle place pour aller chercher sa musique. Donc tout de suite, voici, sans rien attendre de plus, les prostituées. T'écoutes à mon bubblegum, mon palarade, c'est fou. À mon bubblegum, mais pas du tout avec ton homme. Ah non, chérie, il n'est pas la conne. Je te passe un bouche au wingum. Ah, mais ta bouche, je veux du good. Good, good à mon bubblegum. Mon bubble gun, il y en a plus where that came from. Fais dans ma poche si tu vas être du fun. Des bonbons roses de toutes les formes. Un boule boule, un boule de gomme. Amène ta bouche, c'est petit gut. Gut gut à mon bubble gun. Surtout pas le recracher, ouais. Tu peux pas dire que t'aimes pas ça. prepared for so long. I felt this way for so long. Pain de Tiger Army, stable en 8e position anglophone. Ça vient de l'album Music from Regions Beyond. Et juste avant, c'était Les Prostiputes avec Goutte à mon Bubble Gum. L'ancienne 3e, donc descente de 5 places pour eux. Oh, c'est vrai, je viens de me rappeler, je vous avais promis que je vous parlerais des disques les plus vendus au Canada. Donc ça s'en vient dans quelques secondes. Et on va aussi parler des pièces les plus sur Apple iTunes. Donc commençons par le côté canadien. Nielsen SoundScan pour la semaine qui se termine le 12 juillet 2007. Descendons en 27e position pour retrouver la trame sonore des Transformers. N'est-ce pas? Troisième nouvelle entrée pour Silverstein avec Arrivals and Departures. Et ancienne TI avec TI versus Tip. Cinquième position, la descente de 2 places pour White Stripes avec Icky Thump. En quatrième, remontée de 1 pour Rihanna, Good Girl Gone Bad. En troisième, descente 2 pour Claude Dubois avec Duo Dubois. Hein? Deuxième position, nouvelle entrée pour Velvet Revolver avec Libertad. Et en première, c'est Sable Bon Jovi avec Lost Highway. Maintenant, je m'en vais voir sur Apple iTunes. Vous savez, c'est les gens qui téléchargent de la musique légalement. Ça arrive aussi, hein? Parce que c'est la seule façon de comptabiliser les choses, seulement les choses légales. Hein? Voilà. Je tape la cote pendant que j'attends que ça se charge. Enfin. Donc, Apple iTunes, regardons tout de suite. Allez, cinquième position, A Bad Day de Hurricane Chris. En quatrième, Timbaland avec Way I Are. En troisième, Fergie avec Big Girls Don't Cry. En deuxième, Umbrella de Rihanna. Et en première, c'est Plain White Tees avec Hey There, là, qui est la pièce la plus téléchargée sur Apple iTunes. On a fait le tour. Pour ça, on retourne à nos palmarès. On est rendu en septième position. Du côté anglophone, c'est Discomble. Mais du côté francophone, voici une pièce qu'une fois qu'on s'habitue, on peut plus se lancer la tête. Voici les amis au Pakistan avec Cendrillon. Lave le poêle! Au palmarès, c'est fou. Fais-moi donc une béchamel! Carême, mortadelle, citronnelle, les miel, chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. J'suis la maîtresse de ma cuisine, t'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le poêle, c'est toi qui mets à guiner sur le poêle. J'lance tes boîtes de conserve. Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, le plancher, je le sirac, quatre pattes. Le plancher, elle sirac, quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, la sponge dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Ah ouais? Occupe-toi, en église, ma crise. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, t'as pas l'oublier de laver le chiffon. T'as pas l'oublier de laver le chiffon. strange about the way the tap water. Disco Ensemble avec We Might Fall Apart de leur album First Aid Kit. C'est en 7e position anglophone, remontée de 4 places. Juste avant, c'était Les Amis au Pakistan avec Cendrillon Lave le Poil. Donc, c'était le numéro 2 la semaine dernière, descente de 5 positions. 6e semaine de présence, l'album est Espace Libidinal. On est déjà rendu à notre position numéro 6 anglophone de Klaxons, précédé de La Loi des Cactus. Voici tout de suite Babylon Resistance Sound System au Palmarès C'est Fou, 89 FM. Oh, ouais. Hé, hey, plus tard, restez là, les handclaps, la Log Machine, sir, Megadeth, tu sais, faudrait comme pas manquer ça. Par nous-mêmes, allez, joins-toi à nous et viens lancer. find a sign. Eat up every day, one treat we like both. So my way hungry while you pack it them both. Kick back and I relax while out your loaf. Bail on your schemes, we've had enough. Fight for your rights, otherwise nobody now go be you them yeah. Stand up and fight. You won't hear me, me ready not sister. And it's a bill of resistance. Retour de Klaxons, les hand claps et Megadeth au palmarès, c'est fou. Suivant, qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, puis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Carte Robert, c'est les cartes les plus rapides et les plus puissants au Québec. 13 forces de moteur et des vitesses pouvant atteindre les 85 km/h. D'autres circuits pour la même chose, nous sommes prêts à relever le défi en les affrontant directement lors d'une course. Pour des sensations fortes et des événements plus rapides, c'est Karting Grand-Mère. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cikgm.org. Manquez pas votre sortie. Karting Grand-Mère via l'autoroute 55, sortie 226. Édouard et Colombine, c'est l'heure de l'Indie Rock. Tous les lundis soirs de 18 à 19h sur les ondes de C'est Fou 89. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est Fou 89. Vous écoutez les palmarès et fouilles tout de suite. Voici la sixième position anglophone, The Klaxons et Two Receivers au 89.1 FM. I'm c'était notre sixième anglophone, Sons et Two Receivers au palmarès, c'est fou. Juste avant, c'était la sixième du coup francophone, c'est-à-dire la loi des cactus avec Babylon Resistance System stable. Oh, et regardez-moi ça, c'est stable en sixième position. C'était en sixième position dernière, sixième semaine de présence, donc peut-être sa dernière semaine. Hein? C'est malchanceux, ça, c'est en tout cas, je sais pas. Et puis, Klaxons, elle, c'est de remonter de quatre places. Non, ben, vous avez vu, c'est la sixième position, donc c'est déjà la fin de la deuxième heure. Il reste comme 25 minutes qu'on a le temps de faire. Le coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur dans les palmarès. Et notre coureur de la semaine, cette semaine, c'est quelqu'un qui se nomme Matt Fuzz et son Game Boy. Ça a l'air étrange comme nom, c'est normal, celui-là. Mais j'ai ici une petite feuille de biographie, je vais vous lire ça si on en savoir plus sur ce Matt Fuzz. Tetris rencontre Jens Lekman, Metroid versus la pop, Matt Fuzz rock le Game Boy, la musique 8 tous ses états. Quelques citations de la presse. Philippe Renaud de la presse, je cite, un original qui compose ses bonnes chansons indie pop électro à son de jeux vidéo. Et André Péloquin de Ici raconte Matt Fuzz de son thé innove en posant des chansons en français à l'aide de la console portative. Voilà. Au MySpace.com/ Matt Fuzz et son Game Boy, on en parlera un petit peu plus en détail tantôt, mais même qu'on va avoir le temps d'écouter l'album au complet parce qu'il n'a que 5 pièces. Voici pourtant Triple Dose de Matt Fuzz et son Game Boy dans le bloc coureur de la semaine. La chance au coureur dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Ça, c'est Matt Fuzz et son Game Boy. Avec Triple Dose dans le bloc coureur de la semaine, on enchaîne avec une pièce qui a l'air différente, mais écoutez-la bien. Elle n'est pas si différente que ça. Elle s'appelle That Fire au palmarès. C'est fou, 89.1. I just wanna see that. political fighter, but I wanna see that fire. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, on fait des choses bizarres dans le bloc courant de la semaine. Ici à ceux qui sont restés. J'avoue que Palmarès, c'est fou, c'est plutôt grand public. Et ça, c'était pas nécessairement grand public. C'était quand même Matt Fuzz et son Game Boy électro psychédélique de Montréal au Québec. Les du band, Matt Fuzz, un Game Boy et un banjo. Et dans Sounds Like sur MySpace, il dit « comme un Game Boy ». C'est pas mal ça, hein? Mini-album disponible maintenant. Spectacle de lancement le 3 août au Divan Orange. Je pense que ça vaudrait la peine d'être là parce que vraiment voir, il fait tout ça. On voit des vidéos de lui en train de gosser un Game Boy. Hein? Ben, c'est plus un GIF animé. Il y a aussi un vidéoclip pour Montréal en canicule, si je vois bien. Wow, ça m'intéresse de voir ça pendant la prochaine pièce. Donc, les renseignements sur Matt Fuzz ne sont pas très nombreux, mais je rappelle la date de spectacle 3 août à 20h au Divan Orange avec les Temps Liquides, The Ovoid, Metagruo et Apeint. Si vous aimez la musique en émergence, c'est tellement en émergence qu'il faut creuser un petit peu pour la trouver. Dans le sens qu'il n'est pas vraiment en émergence, c'est ça. En tout cas, donc allez voir, rendez-vous là-bas, ça vaut la peine. Matt Fuzz et son Game Boy, c'est notre coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur dans les palmarès, c'est fou. Et comme j'ai dit, on a du temps en masse aujourd'hui, donc allons écouter le reste de l'album. Il nous reste deux pièces d'environ 3 minutes chacune. Voici tout de suite les lendemains de Matt Fuzz et son beau et beau. Donc voilà, présenté par la chance au coureur dans les palmarès, c'est fou, au 81 FM. La radio qu'on plus de droit, hier. Yeah. We'll be right back. Matt Fuzz et son Game Boy avec les lendemains dans le bloc courant de la semaine des Palmarès, c'est fou. Et je dois dire que ça me rend presque bouche bée. Je sais vraiment pas quoi dire devant ça. J'adore ça, c'est génial. Mais je sais que vous n'êtes peut-être pas tous du même avis que moi. Cinquième et dernière pièce, voici tout de suite Requiem for Dream au Palmarès, c'est fou. Et après ça, c'est terminé. C'est fini après. On arrête. On n'en passera plus jamais jusqu'à temps que ça me tente d'en remettre. myspace.com/MattFuzz et son Game Boy pour plus d'informations. Pièce du mini-album de Matt Fuzz et son Game Boy. On vient d'entendre Requiem for a Dream, précédé de Les Lendemains. Avant, c'était Montréal en canicule, That Fire. Et au début du bloc, c'était Triple Dose. Donc, 5 pièces dessus. Ça a passé très vite. Je sais pas combien de temps l'album dure, mais en tout cas, 12 minutes 22 à peine. Ben oui, 12 minutes 22. On a juste passé une dizaine de minutes là-dessus. C'était pas si pire que ça. Peut-être que certains gens ont trouvé ça vraiment mauvais. Moi, j'adore ça. Matt Fuzz et son Game Boy. myspace.com/MattFuzz et son Game Boy. On est rendu à nos positions numéro 5 des palmarès. C'est fou cette semaine, alors qu'on retourne à nos vrais palmarès, les seuls et uniques. Du côté anglophone, c'est Megadeth. Mais tout de suite, voici une pièce des End Claps. Pastiche! Pastiche! Ça donne faim. C'est quelque chose à manger, c'est quoi un pastiche? C'est une moumoute, hein? Non, une pastiche. Chic, mon plastique est chic. Chic, mon pastiche est chic. Chacun son échec en check. Chic, mon pastiche est chic. Chic, mon pastiche est chic. Chic, chic, mon plastique est chic. Chic, chic, mon pastiche. Chic, mon pastiche est chic. Chic, chic, mon plastique est chic. Chic, chic, mon pastiche. Chic, mon pastiche est chic. Chic, chic, mon plastique est choc. Électrochoc, je me choque. Chapeau, chaman. Chiche, mon pastiche est chiche. Chiche, mon pastiche est chiche. Chiche, mon plastique chic. Chiche, mon pastiche. Chiche, more seriously at things, the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out a little. I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone last. Version 2007 de la pièce À tout le monde de Megadeth, c'est leur album United Abominations. Au palmarès, c'est fou, c'est notre position numéro 5, remontée de 4 places. Parlons un petit peu de cette pièce parce que j'ai tout me renseigné comme ça sur Wikipédia, c'est toujours le fun de savoir, parce que ça m'avait surpris que la pièce À tout le monde de Megadeth soit reprise par Megadeth, ça fait un petit peu spécial. Donc c'est la quatrième chanson de leur album de 1994 qui s'appelait Euthanasia. Il y avait un débat dans ce temps-là qui demandait est-ce que ça parle de suicide ou de mort inévitable. Et dans une entrevue en 94, Dave Mustaine a dit que ce n'est pas une chanson de suicide, que c'est. Il dit ce que c'est vous. C'est quand il y a des gens autour de vous, des êtres chers qui meurent et que ça se termine. Donc c'est ce que vous espérez, ce qu'ils espèrent pouvoir vous dire ou dire, en tout cas, une espèce d'affaire comme ça. C'est très philosophique. Le remake À tout le monde, PID, sur l'album United Abominations, et leur premier single, ils ont refait un vidéoclip pour cette pièce-là et ils ont changé le titre. Elle s'appelle Tout le monde, Set Me Free, pour la distinguer. C'est un duo avec Christina Scala, qui est la chanteuse du groupe metal rock italien Lacuna Coil. Voilà qui fait le tour d'informations. De À tout le monde, juste avant, les francophones, c'était les Handlaps avec Pastiche, remontée de la 11e place, donc très grand saut. pour une pilote depuis à peine 5 semaines. Donc ça monte très vite et ça va être sûrement dans les prochaines semaines. On est rendu à nos numéro 4 du côté anglophone, The Answer. Mais tout de suite, voici le numéro 4 francophone, La Baroque Machine et Repos Academy. Au palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain. Pas mal meilleur, je pense. Puis tantôt aussi. Bonjour, The Answer, les goûts, les Maximo Park au Palmarès, c'est fou. Salut, ici Steve Marchand, propriétaire de la bande dessinerie. Depuis près de 20 ans, la bande dessinerie est le seul vrai spécialiste en bande dessinée et jeux de rôle en Mauricie. Situé dans le centre d'Achemanville face au Cégep Bière, la bande dessinerie vous offre un choix exceptionnel de bande dessinée et de jeux de rôle. Avec les collections telles Largo Winch, 13, les Chroniques de la Lune Noire, de même que la gamme complète des produits Wizard White Wolf. Vous êtes certain de trouver ce que vous cherchez. La bande dessinerie, le spécialiste en bande dessinée et jeux de rôle. Yeah! Festival Eclipse 2007. 4 jours de festivités en plein air du 27 au 30 juillet. Présenté par Tex Safari et Tom Kids à l'éco-village du Moradar. 2 scènes extérieures. Prestations en direct d'artistes internaux tels Cockbox, Pixel, Protoculture, James Monroe, Tegma. Plus de 50 vidéos, performances de cirque, expositions et installations spectaculaires. Méade et Camus. Du 27 au 30 juillet, c'est un des plus importants rassemblements de musique électronique en Amérique du Sud. Visitez le EclipseFestival.com. Oh. Yeah! Rugged MC au microphone, votre guide sur la piste des tambours battants. Une exploration des traditions musicales qui ont donné naissance au hip-hop. Chaque mercredi de 6h à 7h PM, de l'Afrique traversant l'Atlantique, du blues au funk au hip-hop de par l'onde, c'est tambours battants sur C'est Fou FM. C'est fou avant tout le monde. 89.1. Under the Sky de The Answer. Leur album s'appelle Rise. C'est en position numéro 4, remonté d'une place, 5e semaine de présence. Et juste avant, c'est la Baroque Machine avec leur album Popus et la pièce Robot Academy, remontée de la 9e. Donc, ça va très bien pour la Baroque Machine. On a eu déjà plusieurs pièces 2 sur nos palmarès et c'est toujours aussi bon. On est rendu à nos 3e positions. Il nous reste un paquet de temps tantôt. Là, je vais vous faire un genre de petit mix de musique, le fun. Ça va être bon, gay party. Mais pour l'instant, il y a les goules avec pièce qui se nomme Dimanche au palmarès. C'est fou, l'émission de la musique musique de demain, aujourd'hui, au 89.1 FM. Hein? FM. Zero. Frequency Modulation. Turn the modulation tape. Francophone, les Ghouls, mais voici la troisième anglophone, Maximo Park et Girls Who Play Guitars, l'ancien numéro 1 anglophone, nouveau numéro 1. Hein? C'est excitant! Au palmarès, c'est fou jusqu'à tantôt! You've been with me a year to the day 365 days. What you need again? We used to talk about new play guitars. We used to talk about plans and tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb up on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause for a minute. It's her. Success just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass for 1 minute. It's her life. Girls Who Play Guitar de Maximo Parks, notre numéro 3, anglophone. Ça va tellement bien, on avance vite. On dirait une parade de ski, je sais pas. Donc, Maximo Parks, Girls Who Play Guitar, c'est l'ancien numéro 1 anglophone. Juste après les Ghouls avec Dimanche, remonté d'une place de la 4e à la 3e. Leur album, c'est Les Animaux. Déjà rendu à nos numéro 2. On va jouer le numéro 2, prendre une petite pause, faire une petite trompette avec toutes sortes de musique pour ensuite vous passer les numéros 1. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. C'est moi qui anime, fait que vous gars. Je sais que c'est les palmarès, c'est fou. L'émission de la musique de demain est maintenant. C'est pas souvent que je sors pour m'acheter des bobettes. Ceux que j'ai sont tellement usés que tu me vois la caquette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Bobette, bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette, bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette, bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette, bobette. J'voudrais pas vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. J'suis nostalgique de mes vieilles bobettes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette, bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette, bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette, bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette, bobette. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. J'attends jusqu'à temps qu'il soit usé à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut le remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bob Grow up and blow away. Yeah. Matrick avec Grow Up and Blow Away, le numéro 2 anglophone remonté d'une place. Remonté d'une place, effectivement. C'était la deuxième anglophone semaine qui était la troisième la semaine dernière. C'est vrai, ça. C'est pas bête, c'est très logique. Très logique, Caroline Cloutier. Oui, bonjour, Mathieu. Bonjour, Stéphanie, c'est ça? Bonjour. J'étais plus certaine de ton nom. Stéphanie qui va animer l'émission Homebox Office Super Inc. Maxi Super Extraordinaire. Jukebox Office. C'est Jukebox Office, j'adore. Là. Dimanche soir à 21h à 22h. On va en parler tantôt. On va laguer avec nous jusqu'à la fin de l'émission dans ces coins-là. Pour placoter, comme ça, on a du temps. Hein? On a en masse de temps. Je reste avec vous. On est en zone numéro 1, mais avant, j'ai décidé qu'on va faire une demi-heure consacrée classique et des pièces qu'on choisit comme ça au hasard. Donc, dernière demi-heure consacrée à ça au complet ou presque. Mais avant, on passe en pub et on revient pour plus de plaisir, plus de fun parce qu'il y a de la gêne. Pas de plaisir, Pierre qui roule. La masse pas mousse. C'est ça. Ça va rouler à plein. Yes, sir. Dimanche 29 juillet prochain, House Bia et DJ Tag Entertainment, collaboration avec C'est Fou 80 FM, présente le party de l'été. En plein centre-ville, plus d'une dizaine de DJ réunis pour vous à la terrasse de l'Auberge des Gouverneurs. De midi à 22h, venez notamment entendre DJ Tag, Dominique B, Funky Frank, Alex Sopen et les DJ de House Mania. Piscine, spa, défilé de mode présenté par Désinvolte, Air Fashion Show par Mondo Coiffure, Body Painting par Caméléon Tattoo et beaucoup plus. Prix de présence et animation avec Akoté et Stéphanie. Miss Onyx 2006. Le rendez-vous House Mania de l'été, c'est le dimanche 29 juillet prochain sur la terrasse du Rouge Vin dès midi. 975 rue A, centre-ville, Trois-Rivières. L'alternative chaque lundi pour un 4 à 6 différent à C'est Fou 89.1 FM, une présentation de La Puce Rock. Hey man, c'est bien cool ça! Ouais, mais hein, j'ai pogné ça à Puce Rock au centre-ville. Oh ouais, malade! Hey, check ça, je me suis fait percer. Mais en plus, j'ai eu ma pine gratos avec le perçage. Hey, tu peux être plus que sûr que tu vas me voir là! Puce Rock, 1500 Notre-Dame, centre-ville, Trois-Rivières. Festival Eclipse 2007. 4 jours de festivités en plein air du 27 au juillet. Testés par Tech Safari et Some Kids à l'éco-village du Moradar. Deux scènes extérieures. Prestations en direct d'artistes internationaux tels Cockbox, Pixel, Protoculture, James Monroe, Tecma. Plus de 50 DJ, performances de cirque, expositions et installations spectaculaires. Baignade et camping. Du 27 au 30 juillet, participez à un des plus importants rassemblements de musique électronique en Amérique du Nord. Visitez le xfestival.com. C'est fou avant tout le monde, 89.1 FM. Des studios de C'est fou à Trois-Rivières, c'est les palmarès en haute définition. Hey, bonjour et bienvenue au Palmarès en haute définition, cette demi-heure tout à fait spéciale où on passe de vieux classiques avec Mathieu Plante, Caroline Lecloutier, c'est Stéphanie... Collins, ça a pris tout mon air, mais je l'ai eu. L'animatrice de l'émission... Jukebox Office! Qui sera diffusée tous les... Dimanche 21h. À partir de... De ce dimanche, là, oui. Là. Oui. Et dis-moi donc, Stéphanie, en quoi consiste ton émission? Ça va être une émission sur trames sonores de films et de téléséries. Donc, on va passer autant des films à venir que des films passés, des classiques. Tout ça, c'est vraiment à ne pas manquer, je vous dis. Et qu'est-ce qu'on peut entendre dimanche? On va entendre du Pascal Picard, on va entendre la musique du film Les Aimants aussi. Y a aussi une nouveauté, là, je ne vais pas vous en parler, mais c'est sorti cette semaine, une nouvelle série à venir. Donc, je vous invite à écouter ça dimanche soir, 21h. J'ai hâte déjà, moi. On va être au rendez-vous, j'espère. Ça va être très bon. On va commencer par la lettre... Non, je vais demander à notre invité de nous choisir une lettre comme ça au hasard. Oh mon Dieu, jusqu'au débrouille là. Je veux une lettre, un chiffre puis une note de musique. P. P, OK, P. Un chiffre, je vais y aller avec 12. 12. Puis une note, allons-y avec Do. Do, OK. Je suis pas sûr qu'on aura le temps pour 12 pièces, par exemple. Pas sûr. P12, Do. P12 de Bingo, voici Priestess et I Am The Night. Color Me Black. On va me rester fou. Priestess avec I Am The Night, Color Me Black. On continue avec la lettre Q. Voici The Stone Age. Yeah! Je m'en allais juste là, de quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben c'est normal qu'on va aller voir la lettre. C'est la lettre après le P. Parce que c'est ça le principe. C'est des blocs de lettres. P, Q, R. Mais voilà! Au palmarès, c'est fou en haute! Définition! Excellente pièce de Queen of the Stone Age, Go with the Flow. Ce que j'aime particulièrement bien, et ça a donné que Mathieu savait même pas que je la connais, mais moi je l'aime bien. Hasard total, et je veux dire la vérité, j'ai cherché dans les culs, j'ai rien trouvé, et Queen of the Stone Age était là, et je me rappelais pas laquelle est palmarès, donc bravo à moi. Ouais, hein? Ouais. Et à mon sens incroyable de l'instinct. On va faire ça de même. Une machine. Ouais, aussi. Une machine recouverte de peau d'animal. Absolument. C'est ça. Ouais. Un peu comme Damien Robitaille. Oui, qui est la prochaine pièce. Quel lien! Hey! Je te dis, là, Mathieu, c'est le roi des liens. C'est tiré par les poils. Ben, bravo, Mathieu. Merci, vous êtes fine. Voici Sexy Séparatiste. Question de célébrer... La Saint-Jean-Tard. C'est ça. Ben oui. Moi, c'est... Sexy Séparatiste. Ton sexe est une fleur de lys. Et c'est ta larme qui me plaît. Quand tu m'embrasses en français. Baby de la belle province. Saisi dans tes pinces, le charme que tu détiens me fait crier, je me souviens. Tu me tourmentes, présente ton discours. Femme du pays, c'est à ton tour de venir me parler d'amour. Damien Robitaille et Sexy Séparatiste dans les palmarès C'est fou en haute. Mission effectivement, oui. Damien Robitaille et puis... qui scande le Québec. Non, je dis n'importe quoi. Hey, tu sors des affaires de ton frappeau. Toi. Ouais, ben, je voulais avoir l'air sérieuse et intelligente. Ouais, éduquée. Ouais. Damien Robitaille, artiste franco-ontarien qu'on aime beaucoup, qui a eu plusieurs pièces sur nos palmarès, dont Sexy Séparatiste. Puis là, c'est toi qui es en train de faire ton intelligent et éduqué. Qui essaie de dire des affaires qui, dans le fond, il n'est pas trop cool. Juste Damien Robitaille, c'était la lettre Q. L'alphabet à l'envers, là, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, quand t'es, mettons, t'es sous, tu te fais arrêter par la police, là, ils vont te demander, dis l'alphabet à l'envers. Pas facile, même quand t'es pas, tu sais, quand t'es Non, hein? C'est assez difficile. Je suis en train d'y penser, puis je sais même pas que c'est quoi après Z, là. Z, Y, X, W, U, T, S, R, Q, P, O. Bon, bref. M. Tu l'as, quand même pas pire. C'est pour ça qu'elle anime une émission de cinéma, tu sais. Ben oui, c'est pour ça. C'est elle parce connaît que son alphabet. Ben, c'était ça, le test d'entrée aussi. Ben, assez fou, c'est la norme. Hein? Faire une ligne droite, c'est marcher en droite, avec le doigt sur le nez. C'est pareil comme quand t'es sous l'eau. Ouais. Puis être capable de taper sur sa tête en faisant des ronds sur son ventre, c'est aussi un test. C'est ouais. Ça. Est-ce qu'on remplit du temps? Je pense que oui. Voilà. Donc, ça, c'était notre lettre Q. Et juste avant, c'est la lettre P, Priestess, avec I Am The Night, Call Young Black. On est rendu à la lettre S. Oui, la lettre S, c'est Saint-Flem, si je ne trompe pas. Exactement, avec la pièce Arthur, grand succès des palmarès francophones de C'est fou. Et juste après, ou peut-être pas juste après, mais bientôt après, ça va être les numéros 1 pour rester là, parce qu'on sait qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, la semaine passée, le numéro 1 anglophone, c'était Maximo Park. Maximo Park, oui, je me rappelle. Je me rappelle bien de Maximo Park. T'as laissé des séquelles, tu sais. Ouais. Caroline avait critiqué l'album à la chanson de coureur. Ça fait des mois de ça. Ouais, deux mois et demi. Mais j'aime bien la chanson. Comme je t'avais dit justement à l'émission, quand j'avais critiqué l'album, j'aime les chansons séparément, mais l'album en tant que tel, ça manquait vraiment. Il y a comme un petit quelque chose qui manquait. Il manquait un petit peu de goût, un petit peu d'intensité, de variété, je sais pas. Ça manquait de flemme, je pense. Ah! De Saint-Flem. Ah ouais, hein? Avec Arthur, maintenant au palmarès C'est fou 89.1. Yeah. Flemme et Arthur dans le bloc à haute définition des palmarès. C'est fou. Avec Carlette Thier, Stéphanie Collins, c'est oui, bien c'est ça. Oui, c'est ça, c'est beau. Hey, j'ai eu, pas super. Mémoire d'éléphant. Oui, c'est ça, d'éléphant junior bébé. Ben oui, hey, mais regarde, moi aussi, je suis capable de faire un lien. On parlait tantôt que t'étais un vrai animal, donc un animal, un éléphant. Voilà, le lien est fait. Voilà. Je m'en viens aussi bonne que toi. Cher Ribéry, ça me fait penser, éléphant junior, hier... Oui. On est allé au Duvernay avec une amie, OK. Mm-hmm. Et puis, je suis passé à côté d'un garage. C'est marqué Dépanne Express, en gros, OK? Dépanne Express, de tout que c'est un petit dépanneur. En haut, c'est marqué Mini, en genre brun, pour pas qu'on le voit. Mini Dépanne Express, ah. Fait que c'est comme une autre catégorie, ça. Hein? C'est à peine existant, là. C'est même pas là, dans le fond, tu sais. Fait que t'entres dedans, t'as des chips, de la liqueur, de la bière, un comptoir. C'est ça. C'est comme le rap éclair junior extra. Un rap éclair, c'est un doigt de poulet avec de la salade pour une édition d'ici. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire, les filles? Racontez vos histoires de vie personnelle, tu sais. Parlons de nos cheveux. Ouais, de nos cheveux, ben moi, j'ai beaucoup de misère à me coiffer ces temps-ci. Je me fais toujours une queue de cheval, puis je suis un peu tannée. C'est dur l'été, hein? Ouais, parce que les cheveux lousses, il fait chaud. On s'en va entendre dans la prochaine position, c'est-à-dire du côté de la lettre U, tiens, parce que là, on est rendu dans le palmarès du décompte des lettres. Certainement, mais oui, U. Je serais dans U, Mathieu. Moi, je pense que de U, ouais, avec Take It Away, ça pourrait être. Moi, est-ce qu'on confirme tout? Ben, pourquoi pas, hein? La lettre U est là pour ça, elle est là pour qu'on l'écoute. Au palmarès, c'est fou. À 89, hein? FM. Ben oui. On pourrait dire que c'est une pièce usagée, par exemple. Oh! Hein? Mais quel jeu de mots incroyable! Plus les liens, les jeux de mots! En tout cas, donc un vieux classique de C'est fou, c'est ça le bloc en haute définition. On dit au revoir à Stéphanie Collins. Mais oui, salut, bonne fin d'émission à tout le monde. Merci. Plug ton émission une dernière fois. Duke Box Office. Dimanche soir, 21h, de 21h à 22h, avec Francis Estep. Voyez là. Une belle émission de trame sonore de films. Oui. C'est varié, assez fou. T'sais, on a tellement de bonnes affaires. C'est une autre corde. Ça va être une très bonne émission, moi, je dis. Notre arc, hein, continue. Oui, oui. J'ai hâte d'écouter ça. On se donc dimanche à 20h. Merci d'avoir été là. Oui, bye-bye. Au revoir. Nous, on est rendu à nos numéros 1. On sort enfin de notre catacombe, je dirais, de musique classique presque, de C'est fou. Hein. Il me semble qu'on en a assez passé, quand même une demi-heure, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je pense qu'on est rendu à parler de trucs nouveaux, là. Oui, de choses actuelles. Ouais. On est rendu à notre numéro 1 anglophone, de passer le micro à notre ami Kiwan, qui vient nous parler de ce qui s'en vient tantôt. C'est quoi notre numéro 1 anglophone, non? Numéro 1 anglophone, ça va être Los Campinos, qui était ton choix à la chance au courage, je crois, il y a 2 semaines. Oui, coureur de la semaine oui. Célèbre. Oui, alors ce sera With Her Parties, You Know Knives, et c'était la position numéro 2 la semaine dernière qui est rendue le numéro 1. La voici tout de suite au Palmarès, c'est fou, au 89.1. When you play past the parcel with human body parts, somebody might get hurt, but someone will get hurt, and I'll sing what you like, if you shout it straight back at me. Think that you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blur smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. Was a pro synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over the place, and all of the cherry egg with dry bodies, with dry minds. It's all the same if the drinks are nice. There's red stains all over the place, and all of the cherry egg with dry bodies, with dry minds. It's all the same. Numéro anglophone qu'on ne mentionnera pas pour l'instant, Caroline. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut créer du suspense, parce qu'ils ne savent pas c'était quoi. Oui, mais on l'a dit avant la pièce. Ouais, mais ils s'en rappellent plus. Ah. Vincent Maillard, avec Tôt ou Tard, un autre bon vieux classique, on vous met du suspense dans les shorts. Tôt ou tard, la réalité te rattrape, tôt ou tard. Et puis tu passes au bateau, tard d'un rue sur le boulevard. C'est toi le poche, fait frapper par un char. Dans tes accords tout le temps, tu voudrais même être ta blonde d'or tout le temps. Y'a plus une scène qui t'adore, y'a plus jamais personne qui t'appelle mais en redoutant. Un peu de toi qui part, tantôt t'as l'air rien que part. Tôt ou tard, t'es gros dans ton salon tôt ou tard, t'es dans ta télévision tôt ou tard. D'avoir l'air con quand c'est pour le marron qui connaît pas la chanson. Tôt ou tard, quelqu'un te vole ta place. Tôt ou tard, quelqu'un te crache en face. Tôt ou tard, quand t'en as vraiment plein ton casse, y'a toujours ton miroir qui vient te faire grimace. Tôt ou tard, un peu de toi qui part, tantôt t'as l'air rien que part. Un peu de toi qui part, tantôt t'as l'air. Thank you. qui t'en veux. Tout t'emmène quand tu pointes ton œuf. Je te jure que tu fais le tout puis pas mal, moins baveux tout t'en. Vincent Vallière et tôt ou tard, notre dernier classique de la soirée, c'est déjà la fin de l'émission, Caroline. Oui, ça a passé vite, hein. Je suis venue juste 45 minutes, mais c'est ça. C'était le fun. On n'a pas étiré la sauce du tout. Non, non, on l'a tellement étiré, on l'a tellement rempli que maintenant on manque de temps un petit peu. Donc on va accueillir Kiwan pour parler de la dernière porte à gauche tout de suite. Bonjour. Salut, ça va bien vous autres? Oui, ça va bien toi? Oui. Qu'est-ce qui se passe ce soir à la dernière porte à gauche? Ben, ce soir à la dernière porte à gauche, je vais parler de quelques événements qui s'en viennent plus mal, là, à la musique, là, entre autres le Fat Beach à la Cale à Tortue, aussi le show dans le bois à Saint-Fortuna bientôt aussi. Puis côté musique, ben, il va avoir les Goules, mon oncle Serge, Vincent Vallière, qu'on vient juste d'entendre, puis plein d'autres musiques. Hey, hâte d'entendre ça, comme toujours, moi je m'en vais chez nous en écoutant la dernière porte à gauche le vendredi soir, c'est aujourd'hui. Donc la dernière porte à gauche, les vendredis soirs à 20h en rediffusion, les samedis et mardis à 17h, heure de l'Est. Oui. Pour la plupart des zones horaires. Caroline Cloutier, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Mathieu. Moi, je vous retrouve à La Connexion, au Palmarès, c'est fou, à La Chance au coureur, allez voir unechance.com pour quelle émission. Merci à toute l'équipe. À la semaine prochaine. Faites attention à vos genoux. Et bonne chance. C'est ça. Oui. On se quitte sur le numéro 1 francophone. Voici Air et Mère du Japon au 89.1. dimanche 29 juillet prochain, Housemania et DJ Tag Entertainment, en collaboration avec Cifou 89.1 FM, présentent le party de l'été. En plein centre-ville, plus d'une dizaine de DJ réunis pour vous sur la terrasse de l'auberge du gouverneur. De midi à 22h, venez notamment entendre DJ Tag, Dominique B, Funky Frank, Alexei.